Confinement, épisode 4. L'épicerie de Monsieur Paul était déserte. Il avait congédié sa caissière qui ne faisait plus l'affaire, vu la conjoncture et le chiffre d'affaires. Les clients venaient un par un, et si dans un premier temps il avait pu écouler en PQ le stock de l'année, 2 palettes d'eau potable et 3 cartons de pâtes bio, sans gluten, sans sel, hors de prix invendable, la source s'était depuis tarie. On aurait dit qu'il n'avait plus d'appétit, que le climat anxiogène devenait pour l'estomac une gêne, qu'il se comptait déjà parmi les morts, que les achats de potage risquaient de diminuer l'héritage. Monsieur Paul en avait vu maigrir et s'était d'abord inquiété d'accueillir dans son échoppe des clients contaminés. À quoi bon tout nettoyer si vous acceptez la vermine de rentrer? Mais que nenni! Les braves retraités pensaient simplement faire partie des statistiques où 80% des morts du virus sont des vieux. Au lieu de faire bombance, ils s'organisaient pour leur enterrement en l'absence de tout symptôme pourtant. Monsieur Paul, le brave homme, a tenté de rassurer en expliquant que si les vieux mouraient en premier, il n'y avait là rien de nouveau sous les cocotiers. Qu'il n'y avait pas d'urgence pour les commandes de chrysanthèmes en plastique, qu'il ne fallait pas se fier à ces fameuses statistiques. Mais rien n'y faisait. Les vieux riches du quartier venaient un par un, la mine triste, mettre une orange et 3 radis au fond de leur panier, avant de saluer comme un dernier au revoir M. Paul l'épicier. Et c'était là toute la clientèle de l'épicerie du quartier. Les jeunes ne venaient plus, vexés qu'ils étaient de devoir montrer panier vide, au contraire des anciens, et vider leurs poches à la caisse. Le vol fait monter les prix, expliquait M. Paul. Et vu les prix pratiqués, il est certain que l'épicerie devait être volée de jour comme de nuit. La vie de M. Paul était compliquée. Il se méfiait des jeunes et les vieux le faisaient chier. Comme disait son pauvre père, toujours un pet de travers. Hier encore, M. Émile lui pleure dans son giron, se lamente et raconte « Vous vous rendez compte, il existe un médicament, la pauvre quine, qui ne coûte rien, qui marche bien, et que notre chef suprême nous autorise uniquement juste avant de mourir. » Mais comment expliquer à Pépère que les affaires sont les affaires et que ce qui ne coûte rien ne rapporte rien ? Tout sourire à Émile, notre épicier du quartier a dû lui dire qu'un autre médicament bien savant et étudié par les autorités allait certainement le remplacer. Et s'il allait coûter la peau du cul, c'était celui bien gras de notre brave sécu. Le rideau était presque tiré quand est arrivé notre bourgeois Monsieur X, muni de son panier et attestation de sortie qu'il avait pris soin de montrer aux voisins. Monsieur X voulait des détails sur la viande garantie sans virus et vendue à prix d'or. Monsieur Paul, le gros homme, devenu tout rouge de se sentir accusé de vendre viande frelatée, a sorti son hachoir. Monsieur X, une tête en dessous, menacé, apeuré devant le risque de bagarre, a reculé et s'en est retourné hagard. Là, les voisins ont bien vu que le panier était vide et l'attestation de sortie précisant des achats de première nécessité trafiqués. C'est avec un sentiment de fierté qu'ils ont contacté les autorités pour une dénonciation citoyenne. Monsieur X n'a pas cherché à nier quand la police casquée a débarqué après avoir enfoncé sa porte, notre bourgeois aux toilettes n'ayant pas répondu aux sommations de la sonnette. C'est menotté et honteux que la maréchaussée l'a fait remonter à pied toute l'allée. Il était autorisé, voire conseillé, de balancer tomates et œufs pourris sur les voyous contrevenant à la législation du moment. Il fallait voir ces braves gens, aux fenêtres et jardins confinés, jeter avec entrain légumes et épluchures sur notre bourgeois tête basse. Ils se sentaient coupables et savaient qu'à leur place, ils n'auraient pas hésité à sacrifier ces tomates et peut-être même balancer quelques patates. Le grand chef l'avait dit, c'est la guerre, force d'être tous derrière. Monsieur X se voyait comme un soldat vaincu, abattu non par le virus, mais plutôt comme un minus. Une pancarte dans le dos précisait son forfait de dangereux délinquant et trafiquant d'attestations de déplacement dérogatoire. Au moment de monter dans la fourgonnette blindée, notre bourgeois aperçut une fillette qui pleurait. Il se demanda pourquoi. Parce qu'elle était chauve comme lui, comme tous les autres aussi, ou c'était autre chose? Coincé entre les 2 baraquets sur la banquette de derrière, il voyait par la lucarne arrière cette petite chose en salopette rose verser de grosses larmes. Tout à sa réflexion, Notre bourgeois fut sorti de sa torpeur par le poste de radio de notre fourgon policier. Radio L'Ombre émettait. Ici L'Ombre. Les Français parlent aux Françaises. Les Françaises parlent aux Français. Les Françaises parlent aux Françaises. Les Français parlent aux Français. Le virus attaque. Je répète, le virus attaque. Restez chez vous, ne bougez plus. Je répète, le virus attaque. 526 morts à 6 heures ce matin. Je répète, restez chez vous et fermez tout. 526 morts dans la nuit de jeudi, combien pour la nuit de vendredi? Ne laissez pas rentrer le virus. Calfeutrez les bas de porte avec du linge mouillé. Bouchez les trous de serrure avec vos clés. Fermez les fenêtres à poignées. C'est la guerre. 9432 morts depuis le début de l'attaque. Tenez-vous prêts. Je répète, tenez-vous prêts. Monsieur X nous a pas demandé au Cerbère ce qu'il fallait faire pour être prêt. Il n'était pas sûr non plus que les casqués en aient eu la moindre idée. Il ne comprenait toujours pas pourquoi la petite fille pleurait.